Josette, par André Theuriet. Il y avait une fois un poète nommé Marius Pignerol. C'était un grand garçon assez bien planté, brun, bilieux, l'œil plein de lumière, les cheveux noirs au vent, la barbe fourchue, la bouche grande où les rimes en passant sonnaient comme des coups de clairon. Provençal d'origine, fils de riches paysans qui étaient morts prématurément et l'avaient laissé orphelin aux environs de sa 10e année. Il avait quitté son village pour suivre à Paris un parent éloigné, qui était devenu son tuteur et qui s'était empressé de l'interner dans un lycée. C'est là qu'il avait grandi peu de temps après la guerre de 1870, à cette époque désenchantée où les adolescents eux-mêmes, subissant le contre-coup de nos déboires, semblaient, avant même d'arriver à la jeunesse, avoir perdu toute illusion et tout enthousiasme. À 21 ans, Marius, lâchant liberté sur le pavé de Paris, s'était trouvé possesseur de 10 000 francs de rente et avait tâté de tous les plaisirs frelatés que la grande ville offre à un garçon jeune, fougueux, avide de jouissances, ayant un porte-monnaie passablement garni. Il se disait déjà désabusé de la vie, et comme il avait de l'imagination, de la verve et un certain don poétique, il le disait en vers sonores, d'un rythme curieux et d'une coloration bizarre. Son premier volume fit du bruit dans les cénacles du Quartier Latin, et on le proclama chef de l'école décadente. Le chroniqueur d'un journal très répandu lui consacra même tout un article de tête, et à partir de ce jour, son livre, Les Angoisses, se vendit comme du pain. Après ce coup de vogue inespéré, Marius devint un moment le poète à la mode. Les salons se le disputèrent, et une actrice fameuse l'enleva littéralement, rompant son engagement pour aller vivre avec lui dans un village perdu de la côte bretonne. Je ne sais lequel des deux se lassa le premier de l'autre, mais cette belle lune de miel fut de courte durée, et Marius revint à Paris fort dégoûté des reines de théâtre. 18 mois après, il publia un second volume où il avait dépensé le meilleur de son talent et sur lequel il comptait beaucoup pour empoigner le public. Mais dans l'intervalle, l'engouement avait fait place à de l'indifférence, et le livre n'eut aucun succès. Marius ressentit douloureusement cette injustice. Au fond, il était resté très naïf et très enfant, en dépit de ses faux-semblants de Parisien corrompu. Cet échec qui méritait le navra, et il en pleura de colère. Jusqu'alors, tout en disant pique-pendre de la vie, il ne laissait pas d'en savourer voluptueusement les aimables perversités. À partir de ce jour, il la traita d'odieuse farce, et se demanda si elle valait la peine d'être vécue. L'humaine infélicité fut le thème de ses déclamations quotidiennes, et Léopardi devint son poète préféré. Le tapage de la rue, la lecture des journaux l'irritaient. La joyeuse fièvre parisienne lui paraissait comparable à l'agitation des malades d'une maison de fous. Un soir de juin, complètement énervé, il se jeta dans un train qui partait pour le midi et se mit à voyager sans but, sans autre idée arrêtée que de changer de place. Dans son itinéraire, il se laissait uniquement guider par un nom de ville, dont la sonorité ou la nouveauté lui paraissait amusante. Un matin, il se trouva au bord du lac d'Annecy, ville de bateaux à vapeur qui chauffait, et y monta pour échapper à une bande de touristes qui avait envahi son hôtel. Quand le bateau arriva en vue du village de Talloire, la verdoyante tranquillité du site le charma. Un roc abrupt et boisé, s'avançant en promontoire vers la presqu'île de Duin, sur la rive opposée, semblait clore presque hermétiquement cette partie du lac. Dans l'eau bleue et lisse, les hautes cimes des montagnes reflétaient leurs chaudes couleurs et leurs lignes élégantes. Au fond de l'encoignure, formée par le roc de chair, Talloire éparpillait sans ordre, au milieu des vignes et des noyers, ses maisons aux toits de tuiles brunes et aux galeries de bois protégées par un auvent. Au-delà d'un massif de marronniers centenaires, une ancienne abbaye, transformée en hôtel, étendait sa façade grise, percée de hautes fenêtres à croisillons de pierre, et des hauteurs dentelées où crénelaient du Lanfon et de la Tournette, sur les pentes vertes des pâturages, un calme profond descendait en même temps qu'une adorable lumière bleue, veloutée et transparente. « Voilà mon affaire !» se dit Marius Pignerol. Il quitta le bateau et se logea à l'abbaye, dans une vaste chambre solitaire qui avait jadis été celle du prieur. Là, il pouvait s'enfoncer à loisir dans sa noire mélancolie et relire à satiété les désolants poèmes de son maître Léopardi. Personne ne le dérangeait, il ne recevait pas de journaux et, perdu dans un grand silence, entre le lac endormi et la montagne immobile, il se laissait aller une sorte de morose engourdissement. Les passages réguliers du bateau lui marquaient seuls la fuite des heures, et le trémolo des grillons au crépuscule lui annonçait seul que le jour allait finir. Il sortait peu, se bornant à promener ses regards sur la changeante perspective du lac. Deux ou trois fois seulement, il gravit les premières rampes de la route de Menton et poussa jusqu'à une propriété déserte et ouverte à tout venant, qu'on nomme les Balmettes, et dont les bâtiments délabrés dominent la baie de Taloir. L'abandon de ces demeures aux volets clos, aux toits en ruine, aux jardins incultes, était en conformité avec l'état d'âme de Marius. Les vieux arbres du verger, noyés jusqu'à mi-hauteur dans la végétation touffue des plantes sauvages, les allées disparaissant sous l'herbe, les tonnelles effondrées sous le poids des clématites, tout cela lui agréait. Il retrouvait l'image de cette décrépitude dont, à ses yeux, le vieux monde était mortellement atteint. Néanmoins, ni la solitude riante de Taloir, ni le spectacle des jardins abandonnés des Balmettes, ne remédiaient aux maussades d'ennui et aux découragements maladifs dont il était affligé. Le silence de ce coin de terre l'irritait à l'égal de l'enfiévrement tapageur de Paris. La cordiale bonne humeur des paysans, acceptant avec sérénité le misérable lot d'une vie peineuse et monotone, l'enrageait. La fécondité de cette nature plantureuse lui faisait honte. Il se sentait le cerveau vide, le cœur desséché, et ne voyant plus rien qui pût lui redonner le goût de l'action, il était tenté parfois de se jeter dans le lac et d'en finir avec cette détestable farce de l'existence. Un jour qu'il broyait du noir dans le verger de la maison abandonnée, et qu'en proie sa farouche humeur il abattait à coups de canne les sommités fleuries des pavots qui avaient envahi une partie de l'allée, il fut interrompu dans cette aimable besogne par une voix qui cria ironiquement derrière lui « Eh bien, ne vous gênez pas, faites comme chez vous !» Il se retourna et se trouva face à face avec un grand vieillard, au moins septuagénaire, vêtu sommairement d'un pantalon de toile et d'une longue redingote brune fripée. Le col de la chemise, sans cravate, laissait voir en s'entrebâillant une poitrine velue et grisonnante. Sous le chapeau de paille orné d'une ganse bleue déteinte, on apercevait une figure rasée, aux traits fins, aux yeux perçants, aux épais sourcils, à la bouche narquoise, largement fendue et encore bien endentée. « D'abord, répondit Marius agacé, je suis ici chez moi tout autant que vous, puisque la propriété est abandonnée. Et puis, les plantes que j'abats sont de mauvaises herbes et je rends service au propriétaire. »« Double erreur, répliqua le vieillard. Primo, la propriété n'est pas abandonnée, et secondo, le propriétaire aime ces plantes sauvages que vous décapitez sans façon. Qu'en savez-vous ? Je le sais parce que je suis moi, ce propriétaire. » Marius, interloqué, murmura quelques excuses embarrassées, voulut se retirer, mais le bonhomme lui barra le passage. « Du tout. Vous êtes mon prisonnier. Et je ne veux pas que vous partiez avec une méchante idée de l'hospitalité savoyarde. Nous allons vider ensemble une bouteille de mon vin de Taloir. » Il entraîna le poète dans une salle du rez-de-chaussée, servant à la fois de cuisine et de salle à manger, puis descendit au cellier et en revint avec une bouteille et deux verres. Quelques minutes après, les deux hommes attablés causaient familièrement en dégustant le vin blanc du cru. Ce petit vin mousseux les rendit communicatifs. Marius se nomma et son hôte en fit autant. Il s'appelait M. Lettraz, avait longtemps exercé la médecine dans le pays, et retiré à Annecy, il ne venait au Balmède que pour l'époque des vendanges. C'était un homme gai, bavard, assez instruit, ayant un tour de pensée original et une pointe de causticité. Autrefois, avoua-t-il à Marius, les Balmettes n'avaient pas cet air d'abandon que vous leur voyez. Dans ce temps-là, je les soignais et les peignais pour le plaisir des autres. Maintenant, je suis seul comme une chouette dans mon trou et je les accommode à ma guise. Je déteste les jardins nettoyés et tirés au cordeau. J'aime avoir toutes les plantes se développer et pulluler librement. Que voulez-vous ? Plus je sens la vitalité décroître en moi, plus j'ai besoin d'en retrouver la puissante exubérance autour de moi. Malgré tout, j'aime la vie. Ce n'était point comme on pense l'opinion de Marius Pignerol. Il ne se gêna pas pour exposer ses théories sur l'infélicité humaine. Il y mit de l'amour-propre, sa cerve méridionale s'échauffait à mesure, et il s'amusait à épater ce médecin de campagne en lui démontrant l'inutilité de nos efforts pour tirer de la vie autre chose que de misérables déboires. Le bonhomme Lettraz l'écoutait d'un air narquois, avalait une gorge de vin et haussait les épaules. « Quel âge avez-vous » demanda-t-il. « 24 ans. Et vous osez vous plaindre? Eh, parbleu! Je le sais bien, la vie ne se compose pas uniquement de jours heureux. J'en ai vu des misères depuis 75 ans. Moi qui vous parle, monsieur, j'ai eu une femme que j'adorais et que j'ai perdue. J'ai eu 2 enfants que j'ai gâtés, qui se sont connus comme des ingrats et qui finalement m'ont laissé seul à la maison. Mais vivre, mon cher ami, ce n'est pas seulement être heureux, c'est souffrir, se dévouer, aimer, agir enfin. Et il faut qu'il y ait dans cette activité un suc bien plaisant, car les plus malheureux, quand on les met au pied du mur, préfèrent encore cette vie agitée et souffrante à l'anéantissement total. La discussion se prolongea jusqu'au soir, et ils se séparèrent les meilleurs amis du monde. « Revenez me voir, » dit le bonhomme au poète. « Vous m'allez, et puis vous avez l'esprit malade et votre cas est curieux. Il faudra que nous guérissions ça. En attendant, je vous recommande l'action. Au lieu de ruminer votre mélancolie, marchez au grand air, faites-moi 2 ou 3 ascensions à la dent de l'enfant ou à la tournette, cela vous fouettera le sang et vous rafraîchira les humeurs. Au retour, vous viendrez boire un verre de vin au Balmette, et après 1 mois, vous me direz merveille de ce régime. »